Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de la Umrah, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj au Yémen. Cours numéro 3, Ma baqiya min al-tawaf ila akhir al-Umrah, la fin du tawaf et de la Umrah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pour les cours précédents, on avait vu, on avait terminé de parler des miqats, ce qu'on fait d'abord dans le miqat. On est arrivé jusqu'au tawaf. Parmi les choses qu'on avait dit pendant le tawaf, c'est que la personne, elle ne devait pas perdre son temps à parler avec son ami. On avait dit qu'elle devait multiplier les doigts dans le tawaf, car c'est une ibada qui est azima. On avait aussi parlé, mentionné, et le cas où une personne allait dans le tawaf et que c'est l'heure de la salat, qu'est-ce qu'elle fait? On avait dit que cette personne, elle délaisse le tawaf, elle va faire la prière en groupe, et qu'ensuite elle revient, elle reprend le tawaf, d'où elle s'est arrêtée. Et la dernière chose qu'on avait mentionnée, c'est si une personne fait le tawaf, et qadar Allah, elle perd les ablutions. Qu'est-ce qu'elle fait? On avait dit que cette personne, yani elle refaisait les ablutions, elle reprenait le tawaf depuis le début. On avait dit que c'est ça, que cela est à l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. A Kulihal, on avait presque terminé de parler du tawaf, il restait quelques points. Et inchallah, dans ce cours, on va terminer de parler du tawaf. Ou, qu'est-ce qu'on fait après le tawaf? Dès que tu as fini le tawaf, et que le tawaf est terminé, tu as fait 7 tours, à partir de ce moment-là, tu recouvres ton épaule, parce qu'elle était découverte, tu as fini le tawaf, tu recouvres ton épaule. Et tu pries 2 rak'a près du maqam de Ibrahim, si tu peux. Si tu ne peux pas, parce qu'il y a du monde, et que ça bouscule et tout ça, yani tu l'as fait dans la ligne du maqam Ibrahim, un peu plus loin, pour que yani tu ne sois pas dérangé. Et si tu ne peux pas, tu l'as fait n'importe où dans le masjid. Regardez, la salat, elle est sahiha, elle est authentique. Et dans ces 2 rak'a que tu vas lire, dans la première rak'a, tu vas lire surat al-Fatiha et surat al-Kafirun. Et dans la deuxième, tu vas lire surat al-Fatiha ou surat al-Ikhlas. Et c'est ça qui est la sunna. Si maintenant tu lis d'autres surat, la base, la salat et la sahiha. A la kulli hal, c'est ce que tu lis après tu fais 2 rak'a après avoir fini le tawaf. Qu'est-ce que tu fais si tu as oublié de faire ces 2 rak'a? Tu as fini le tawaf, tu oublies de faire ces 2 rak'a. Qu'est-ce que tu fais? La majorité des savants, ils sont d'avis que tu pries cette salat au moment où tu te rappelles, qu'elle soit dans le haram ou pas. Et sur ça, ils sont basés sur un hadith. Le hadith, c'est un hadith qui est général. Le hadith est Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Traduction approchée, celui qui dort sur une salat, au moment d'une salat, ou qu'il a oublié, qu'il l'a pris au moment où il se rappelle. Maintenant, on va dire qu'une personne, elle a fait le tawaf. Elle vient pour faire une salat derrière le maqam Ibrahim. Et là, c'est l'heure de la salat. Une salat obligatoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait la salat obligatoire ou est-ce qu'elle fait la salat nawafil, yani derrière le maqam Ibrahim? Dans ce cas-là, si cette situation vient à se produire, tu fais d'abord la salat obligatoire. Et ensuite, tu fais la salat derrière le maqam Ibrahim, derrière la salat yani après le tawaf. Parce que c'est une prière spécifique, indépendante. Il n'y a pas une autre salat qui peut la remplacer. Tu es obligé de la faire. Et cela est l'avis de Zuhri, dit le même Malik, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Et dès que tu arrives près du maqam où tu vas faire yani le dorak hak après le tawaf, il est préférable que tu dises ou que tu lises le verset suivant: Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Et prenez le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière. Une fois la salat derrière le maqam terminée, que fais-tu? Avant cela, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es au haram, tu as le droit de laisser passer des gens devant toi. Si tu es en salat et qu'il y a quelqu'un qui veut passer devant toi, tu le repousses, tu ne laisses pas passer devant toi. Et si tu es en salat par exemple et qu'une femme elle veut passer devant toi, essaye, yani, dès que tu la vois arriver du coin de l'œil ou quoi que ce soit, tu t'avances jusqu'à ta sutra. Ensuite, une fois que tu as terminé la salat, tu vas boire de l'eau zamzam et tu en verses sur ta tête. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a dit quoi? Ma ou zamzam lima shuriba lah. Yani lam Ma'u Zamzam, il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses mérites de Ma'u Zamzam. Mais il a dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Innaha mubaraka wa hiya ta'amu tu'ma. Wa qal: Khayrun ma 'ala wajhi al-ard ma'a Zamzam. Fihi ta'am min at-ta'am wa shifaa'a min as-saqam. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi par rapport à l'eau de Zamzam? Il a dit c'est la meilleure eau qui existe sur la terre. C'est une nourriture et c'est une guérison contre les maladies. Après, une fois que tu as bu de l'eau, tu t'es versé de l'eau sur la tête, tu retournes vers la pierre noire et tu la salames comme on l'a mentionné au début du tawaf, de la même manière. Il faut savoir que yani, l'eau Zamzam, c'est clair, c'est une eau yani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la baraka dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la baraka dans le Zamzam. Il n'y a aucun doute dessus. Il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a cité sur le Zamzam, il suffit comme preuve et comme mérite de cette eau. Maintenant, yani, cette eau, tu peux faire l'eau avec, tu peux te laver avec, il n'y a pas de manière. Ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la baraka dedans. Tu peux pas faire l'eau avec, tu peux pas te laver avec ou quoi que ce soit. Non, tu peux, de la manière. Ça c'était bien de le signaler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui pensent que non, yani, tu peux pas te laver avec le zemzem, que c'est haram ou quoi que ce soit comme ça. Ils ont un akhida bizarre par rapport au zemzem. Le zemzem avant tout c'est une eau, comme toutes les autres eaux, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a favorisé sur les autres eaux, il a mis la baraka dedans, et Rasul sallam il a mentionné de ses mérites. Autrement, elle n'a pas de pouvoir spécifique, elle n'a pas de mérite spécifique, non. C'est une eau comme toutes les autres. Une fois que tu as fait ça, que tu es retourné, que tu as salam la pierre noire, comme on l'a dit au début du tawaf, on va faire le sa'i. Le sa'i, c'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et ce sa'i, il est obligatoire. Il se compose de 7 tours. Dès que tu arrives vers Safa, tu lis le verset suivant: Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Faman hajja al bayt aw ihtamar fala junaha alayhi an yatawwaf bihima. Wa man tatawwa khayran fa inna Allah shakirun alim. On va relire le verset: Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ensuite, tu dis نبدأ بما بدأ الله به. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On commence par ce que Allah a commencé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la ayah qu'on a récité précédemment, il a commencé par mentionner Safa. Ça fait que toi, tu as dit que tu vas commencer le Sa'i, tu vas commencer comme Safa, par Safa, comme Allah jalla wa ala, il l'a mentionné. Allah dans la ayah, il a commencé par Safa, toi tu commences par Safa. Et cette invocation qu'on a dit, Inna Safa wa Marwa min sha'airillah, ila akhirih, et l'autre kalima, Nabda bima bada Allahu bihi, ça tu l'as dit dès que tu arrives au Safa la première fois. Une fois que tu vas revenir de Marwa jusqu'au Safa, ça, tu l'as dit plus cette dua. Ça c'est seulement au moment où tu vas arriver au Safa la première fois. Une fois que tu es arrivé à Safa, tu te mets en face de la Qibla. Tu mets en face de la Qibla, tu lèves les mains et tu dis La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, trois fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, trois fois. Ensuite, je récite la dua suivante. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazam al-ahzaba wahdah. On va la redire. On va dire cette dua, faut la noter. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la sharika lah, anjaza abdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ensuite, après cette dua qu'on a dit là, qu'on a mentionné, tu fais des dua, de toutes sortes de dua, que ce soit yani, pour cette dunya ou pour l'akhira, la manière. Tu fais des dua pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour les musulmans en général, yani, toutes sortes de dua. Après, tu redis encore une deuxième fois la dua qu'on a lu. La ilaha illallah, trois fois. Allahu Akbar, trois fois. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده نصر عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. Ça tu vas le dire une deuxième fois. Et après la deuxième fois, tu vas encore faire des dua. En te mettant toujours face à la Qibla. Profite des moments. Yani ici, ces moments, ils sont donnés pour faire des dua. Fais beaucoup d'efforts dans les dua. Ijtahid dans les dua. Laisse pas passer ce temps. Une fois que tu as fait des dua, tu redis une troisième fois tout ça. Tu redis une troisième fois la dua qu'on a dit depuis Allah, depuis la ilaha illallah jusqu'à wa hazama al-ahzaba wahda. Et là tu fais encore des dua pour toi, pour ta famille et tout ça. Une fois que tu as terminé de faire des dua, tu vas te diriger vers Marwa. Dès que tu arrives au niveau des lumières vertes, tu vas te mettre à courir jusqu'à la deuxième lumière verte qui est après. Et ça, c'est spécifique aux hommes, en dehors des femmes. Si maintenant, tu fais le Hajj ou le Umra avec ta femme, ou avec ta mère, ou avec ta sœur, elles ne peuvent pas courir. Ce que tu fais, une fois que tu es arrivé derrière la deuxième lumière verte, tu les attends. Tu attends, elles vont marcher, alhamdoulilah, tu n'es pas pressé, tu es en ibadah quoi qu'il arrive. Tu les attends et tu continues le chemin avec eux. Et dans le Sa'i, Il n'y a pas de doa spécifique. Yann, il fait des adhkar, tu lis du Coran. Il n'y a pas de doa spécifique. Il n'y a pas une doa qui dit dans le sahih, il faut dire telle doa spécifique. Non. Tu fais n'importe quelle doa. Tu fais du dhikr, etc. Et dès que tu arrives à Marwa, tu vas faire exactement la même chose que tu as fait à Safa. Tu vas te mettre en face de la Qibla et tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, et la dua qui vient après. Toi, tu n'as qu'à la noter dans ton cahier afin de ne pas l'oublier. Et là, dès que tu vas arriver à Marwa, ça va compter comme étant un tour. Et dès que tu vas partir de Marwa jusqu'à Safa, ça va faire le deuxième tour. De Safa jusqu'à Marwa, ça va faire le troisième tour. De Marwa jusqu'à Safa, ça va faire le quatrième tour. De Safa à Marwa, ça va faire le cinquième tour. De Marwa jusqu'à Safa, le sixième tour. Et de Safa jusqu'à Marwa, le septième tour. Et tu es obligé de terminer ton septième tour sur Marwa. Tu ne peux pas terminer ton septième tour sur Safa, c'est impossible. Et quand tu arrives à Marwa, le dernier tour de Marwa, pareil, tu fais la même doua qu'au début. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirih. Et tu fais des doua toujours trois fois, yani, tout en levant tes mains. Et si tu regardes bien, et si tu analyses bien, tu vas voir que les tours de Safa sont des tours pairs. Tu vas voir que les tours qui vont être faits à Safa, ça va être tours impairs. Ça va être un tour, trois tours, cinq tours, sept tours. Tu ne peux pas arriver à Safa et avoir un doute et dire est-ce que j'ai fait 6 ou 7 tours. Non, si tu dis entre 5 et 7, d'accord. Mais entre 6 et 7, c'est impossible. Parce que 6, c'est un chiffre pair. Et les chiffres pairs, on a dit qu'ils étaient où ? À Marwa. Ainsi, tu ne peux pas avoir doute. Est-ce que j'ai oublié un tour ? Non, tu regardes à l'endroit où tu es. Si c'est un nombre pair, tu peux être rien qu'à Marwa. Si c'est un nombre impair, tu peux être rien qu'à Safa. Et aussi, ce qu'il faut préciser, et ce qu'il faut dire, c'est que la course que tu vas faire entre les deux lumières, c'est en allant vers Marwa, comme en descendant vers Safa. C'est pas seulement tu vas en direction de Marwa et tu cours. Non. Tu vas en direction de Marwa, entre les deux lumières vertes, tu vas te mettre à courir. Et en revenant de Marwa, entre les deux lumières vertes, tu vas te mettre à courir. Ensuite, une question, qui c'est possible qu'elle se produise, c'est si tu fais le sa'i. La même question pour le tawaf. Si tu fais le sa'i, et que c'est l'heure de la salate, qu'est-ce que tu fais ? L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit, si c'est l'heure de la salate, et que tu fais le sa'i, tu arrêtes le sa'i. Et tu vas faire la salat. Ensuite, tu reprends le sa'i d'où tu t'es arrêté. Et c'est cela l'avis de la majorité des savants. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les ablutions sont obligatoires durant le sa'i ? Est-ce que je dois être sur le dos pour faire le sa'i ? Encore là, on va ramener un kalam de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui a dit: le sa'i est valable pour celui qui n'a pas les ablutions, la personne en état du janaba, en état d'impureté rituelle majeure, ou la femme qui a ses menstrues. Et il s'est appuyé pour dire ça, rahimahullah ta'ala, sur le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala, lorsqu'elle avait ses menstrues. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lui a dit: Istani'i ma yasna' al-hajj, ghayra an la tatoufi bil-bayt. Fais ce que le Hajj fait sans que tu tournes ou sans que tu fasses le tawaf autour de la Kaaba. Alors une fois que tu as terminé le sa'i, qu'est-ce qu'on fait? On a fait les 7 tours, on est arrivé à Marwa, on a fait les du'a, on a tout terminé, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il ne reste plus grand-chose. La Umra, elle est presque terminée. Une fois que le sa'i est terminé, il ne te reste plus qu'à te couper les cheveux ou à diminuer. Sur toute la tête, non comme certains font. C'est-à-dire, il y en a certains, ils vont se couper quelques parties de la tête. Non, ça c'est une khata. Il faut que tu diminues ou que tu coupes tout. Ou tu coupes tout, ou tu diminues, il y en a partout de la même manière. C'est pas tu prends un morceau par ici, un morceau par ici, ou quoi que ce soit. Non, c'est tout de la même manière, tout de la même hauteur, tout de la même dimension. Et la femme, elle se coupe le cheveu, l'équivalent d'une phalange. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimullah, il a dit, la femme rassemble ses cheveux au devant de sa tête, ensuite, elle coupe le bout de ses cheveux, l'équivalent d'une phalange. Et ainsi, une fois que tu as coupé tes cheveux, la umra, elle est terminée. Et tout ce qui était interdit pour les haram, ça devient autorisé. Ça veut dire qu'après ça, après t'être coupé les cheveux, yani, tu peux remettre un kamis, tu peux remettre des chaussettes, tu peux remettre un pull, tu peux remettre du parfum, tu peux avoir des rapports avec ta femme. Tout ce qui t'est interdit avant les haram, ça devient autorisé. Et avec ça, on a terminé la umrah. Maintenant, si t'en umrah, durant le mois de Ramadan, avant de quitter la Mecque, tu es obligé de faire le tawaf al-wada, le tawaf d'adieu. Ça, c'est seulement si par exemple tu vas quitter Mecca. C'est pas par exemple tu as terminé le Hajj, tu as terminé la Umrah, tu vas faire le tawaf al-wada, et puis deux jours après tu vas faire le Hajj. Non. Ce tawaf wada, il n'est pas sahih. Tawaf wada, c'est seulement au moment où tu vas quitter Mecca. Une fois que le départ il est proche, par exemple, ça, l'exemple que je donne, c'est par rapport à la personne qui a fait une umra durant Ramadan, une umra durant toute l'année. Puisque la umra, il faut savoir qu'à la différence du hajj, elle peut se faire n'importe quand dans l'année, sauf dès que le hajj y rentre. Le hajj, il commence le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est-à-dire toi, jusqu'au 7, tu peux faire une umra. Mais le 8, ça, tu peux faire une umra. Et jusqu'à quand le hajj se termine? Après, tu as toute l'année pour faire des umra. Mais tandis que le hajj, lui, il est spécifique à une période. C'est une période précise, des jours précis. C'est pas durant toute l'année le hajj. Non, c'est un moment précis. Et on a dit que celui qui va faire tawaf al-wada, par exemple, s'il est pendant Ramadan, il ne va pas aller faire tawaf ou wada. Ensuite, il va aller, il va se promener dans les sourds, il va faire des... Non. Ta terre était faite tawaf wada. Le peu de temps que tu restes, il faut que tu... C'est du temps où, par exemple, tu vas aller, tu vas manger un peu, ou tu as 2-3 bricoles à acheter. Mais vraiment quelque chose de rapide. C'est pas tu vas passer 4 heures dans Mecca à faire les magasins ou quoi que ce soit, et après tu vois, ça j'ai fait ta foi d'air. Là, c'est une petite période. Le temps de faire ce que tu as besoin, d'acheter la nourriture pour le voyage, ou de te laver, quelque chose comme ça. Vraiment une courte période. Ensuite, tu pars de Mecca. Si maintenant tu fais ta foi d'air, et que toi tu prolonges ton voyage à Mecca, par exemple tu restes plus qu'une demi-journée, par exemple, en exagérant. Tu refais ta wada jusqu'à quand tu pars. Il faut que la dernière chose que tu fasses à Mecca, c'est ta wada. Le tawaf d'adieu. Tu ne vas pas faire autre chose après. Et ainsi, Yarni, on a terminé le hajj. Et je voudrais aussi rapporter quelque chose, Yarni, d'important, qui Allah Musta'an, ça s'est propagé dans la umma. C'est une bala, une épreuve. Allah Musta'an, ce sont des téléphones portables. le téléphone portable. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont avec leur téléphone portable, ils vont faire le hajj ou la umra, ils vont filmer la Kaaba. Et en filmant la Kaaba, ils vont filmer yani, ou ils vont prendre en photo des gens. Et les hadiths sur les photos sont connus. Parmi lesquels, أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Les gens qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة, ce sont des gens qui prennent des photos, qui font des photos. C'est une grande menace. أشد عذاب يعني يعني ça prouve que c'est un كبائر من الكبائر الذنوب. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça. Et Allah Musta'an, c'est quelque chose qui est devenu répandu, surtout avec la technologie actuelle. C'est pour ça qu'Yarni, je tenais à faire un tanbih, attirer l'attention sur ça. Toi, Yarni, faut que tu sois intelligent. Faut pas que tu sois stupide. Le Hajj et la Umrah, c'est une récompense azim. C'est une grande récompense. Est-ce que tu crois que en photographiant la Kaaba avec des gens qui sont autour, puisque la Kaaba elle est jamais vide, il y a toujours des personnes qui font tawaf, est-ce que tu crois qu'au moment où tu as filmé, tu vas prendre des zones oblèches parce que tu as photographié des personnes ou des choses qui ont une âme? Et le hadith précédemment cité, c'est une mise en garde qui est claire. Toi, Yanni, ce que tu veux, c'est revenir du Hajj. C'est le but de tout le monde. Maintenant, quelqu'un il dit non, je veux pas revenir du Hajj comme le jour où je suis né, c'est quelqu'un Yanni qui est fou. Toi, ce que tu veux, c'est revenir du Hajj comme le jour où ta mère elle t'a enfanté. Et tu veux rentrer dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Al Hajj al Mabrur, laysa lahu jaza' illa al Jannah. Le Hajj accepté, il n'y a pas d'autre récompense que le paradis. Toi, est-ce que avec ce péché que tu as fait, est-ce que tu crois que tu vas rentrer dans ce Hajj? Non, tu ne rentres pas dedans. Tiens, tu as fait un péché. Le Hajj, tu ne peux plus l'avoir. Si tu as fait quelque chose, une kabira. On ne dit pas qu'il y en a celui qui a fait ça, il est sorti de l'islam. Non. On n'est pas des takfirs, on n'est pas des khawarij qui rendent aux mécréants par les grands péchés. Voilà qui, c'est quelque chose que tu es grave et tu vas perdre. Est-ce que tu es assez stupide pour perdre le ajr du hajj et de la umrah pour un péché comme ça? On va dire que maintenant tu te bases par rapport à certaines personnes ou certains savants qui vont dire yani la photographie c'est autorisé. Alors l'aqal au minimum tu vas dire il y a une divergence entre les savants. La chèque dans la divergence, il va avoir une partie qui a raison, l'autre partie a la tort. C'est pas les deux parties qui peuvent avoir raison sur une question où il y a une divergence. C'est impossible. Maintenant, toi, on va dire, tu te passes par rapport à l'avis. Moi, je suis d'avis que la photographie est autorisée. Mais avec un doute, parce qu'il y a l'autre partie qui est... C'est possible qu'elle a raison aussi. Toi, à la coulée, tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir un doute. Tu vas et... Tu ne peux pas sortir de cette divergence sans avoir un doute. Parce que deux parties, ils ont donné des avis. Il n'y a rien qu'un côté qui a raison. On va dire que maintenant, toi, tu te places de l'avis qui dit que la photo, c'est autorisé. Très bien. Avec, comme on a dit, avec le doute. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené une charia. Une législation. Alhamdulillah, cette législation avec laquelle il est venu, elle est complète. Il est venu avec une législation qui vient d'Allah Azzawajal. Il est impossible de trouver une erreur dans cette législation, parce qu'elle vient d'Allah Azzawajal. Il nous a donné une qaïda, une règle en or. Toi, tu l'appliques. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: délaisse la chose pour laquelle tu as un doute pour ce dont tu n'as aucun doute. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté une autre qaïda dans le même genre, dans notre hadith, où il a dit الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le halal il est clair, le haram il est clair, et entre les deux il y a des choses qui sont ambiguïtés, qui portent ambiguïté. Il a dit maintenant celui qui délaisse les ambiguïtés, il a préservé son dîn. Et celui qui tombe dans l'ambiguïté, il est tombé dans le haram. Toi, à la couli hal, tu as une ambiguïté. Il y a un doute, il y a un khilaf. Si le khilaf il existe réellement. Parce que la majorité des Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont d'avis que la photo est interdite. On va dire à la couli khilaf, sur la parole, il y a un khilaf. Est-ce que toi, tu vas risquer de tomber dans le haram pour un khilaf? La solution, Rasul Sallam nous a donné d'arma yuribuk le mayaribuk. Et là, ce dont tu as un doute, pour ce dont tu n'as aucun doute. Et ainsi, il y en a qui va être éloigné des péchés. Et nous, c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être éloigné des péchés. C'est pas tomber dedans. C'est avoir revenir avec le hajj complet, pas avec la moitié du hajj. Ensuite, on va voir, Yanni, c'est quoi les intérêts que tu as de prendre la Kaaba en photo. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas en tirer de prendre la Kaaba en photo? Tu crois que s'il y aurait eu un khir de prendre la Kaaba en photo ou de dessiner la Kaaba, les sahaba radiyallahu ta'anhum, ils ne l'auraient pas fait? Prends une qaïda qui est en or. Une qaïda qui est en or, que les savants ils ont rapporté. Les savants ils ont dit s'il y aurait un khir, s'il y aurait eu un bien dans quelque chose, on n'aurait jamais devancé les sahabas. Impossible. Puisque les sahabas, ils étaient, comment dire, ahras alay minna ala al-khir. Ils faisaient plus attention au khir que nous. Est-ce que tu crois que tu vas les devancer dans un khir? Impossible. C'est impossible. Prends cette qaïda. Donc, si les sahabas, ils n'ont pas dessiné la Mecca, la Kaaba pour la mettre chez eux, c'est qu'il n'y a pas de baraka dedans. La baraka, elle est où dans Mecca? La baraka, elle est dès que tu vas faire ça devant la Kaaba. Elle est dès que tu vas faire des tawaf. C'est là où tu vas voir le hajj, tu vas voir la baraka. C'est pas tu vas prendre une photo, tu vas la mettre dans ton portable, tu vas la mettre chez toi, tu crois qu'il va voir la baraka. Non, ça n'a rien à voir. La baraka, elle est à Mecca. Elle est dans les tawaf, elle est dans les ibada. Elle n'est pas en accrochant la photo de Mecca chez toi, ou en mettant des ayahs chez toi. Ensuite, qu'est-ce que tu veux par là? Est-ce que tu es sûr que Shaytan, il ne va pas venir, il va dire, ah ouais, regarde Foulan, mashallah, il est allé à Mecca, il a fait son hajj, regarde, il a la photo de Mecca sur son portable. Qui te dit que la riyal ne va pas rentrer par cette porte? Est-ce que tu es sûr que la riyal ne va pas rentrer? Est-ce que ça peut te pousser à avoir de la riyal, de l'orgueil ou autre chose? Ça se trouve, à cause de ça, toute la fatigue que tu as perdue dans le hajj, toute la fatigue que tu as perdue dans l'umra, à cause de ça, Shaitan il va venir par une bête que tu vas perdre le hajj. C'est stupide. C'est stupide. Ensuite, est-ce que tu crois que parce que tu vas accrocher la photo de la Kaaba chez toi, ou tu vas mettre des ayats du Coran, que c'est ce qui va empêcher Shaitan de rentrer chez toi? Abadan. Abadan. Shaitan, tu peux avoir 150 000 mushaf chez toi. Si tu ne les lis pas, il n'y a pas de faïda. La faïda pour que Shaitan ne rentre pas chez toi, c'est dès que tu vas lire le Coran chez toi, dès que tu vas écouter le Coran chez toi, dès que tu vas sortir la télé de chez toi, dès que tu vas enlever les photos de chez toi, dès que tu vas enlever la musique de chez toi. Là, Shaitan, il va éviter de rentrer chez toi. Il va dire, non, je ne peux pas. Dès que tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, bismillah. C'est là où Shaitan ne va pas rentrer. Mais tant que tu mets des ayats, ou t'accroches au mur des ayats du Coran, Allah il n'a pas envoyé le Coran pour décoration des murs. Ça, ça ne fait pas partie de Ta'dim Sha'airillah. Ça ne fait pas partie des choses qui montrent que tu aimes le dîn. C'est pas un dalil, ça. Le dalil, c'est dès que tu vas mettre en application le dîn. C'est là où tu vas. C'est comme ça qu'on dit, celui-là, il respecte le dîn. C'est quelqu'un de respectueux, qui est respectueux envers la religion. C'est pas parce que tu accroches des tableaux, ça, tout le monde peut le faire. Le kafir demain, il va voir une belle calligraphie. Il sait même pas ce que c'est marqué, mais il va voir une belle calligraphie dans un tableau. Ça va être marqué La ilaha illallah. Il sait même pas ce que ça veut dire. Il l'a acheté parce que c'est beau, ça brille, il l'a accroché chez lui. C'est quoi la différence entre toi et lui? Mais le but, c'est pas la décoration des murs. Le but, c'est de staffer du Coran. C'est de staffer de ce qu'il a dedans. C'est de la récitation du Coran. C'est pas d'accrocher des tableaux sur le mur. C'est pas d'accrocher la photo de la Kaaba sur le mur. Il n'y a pas de mérite dans tout ça. Et aussi, parmi les choses aussi qu'on trouve dans les portables, dans le Mustahan, c'est la musique. Il y en a, ils mettent comme sonnerie de la musique. Il est dans le tawaf. Dans le tawaf. En train de faire tawaf, une des grandes ibadah, une grande adoration. Il veut faire tawaf, on va entendre la musique. Vous savez que Quraysh, les kofars de Quraysh, ils faisaient tawaf et ils étaient nus. Pourquoi ils faisaient tawaf et ils étaient nus? C'est quoi qui les poussait à faire tawaf et ils étaient nus? Ce qui les poussait à faire tawaf et ils étaient nus, c'est parce qu'ils donnaient une importance à la Kaaba. Ils donnaient une importance au haram. Si on leur demandait, ils disaient, on ne peut pas faire tawaf dans des habits dans lesquels on a désobéi à Allah. Regardez, c'était Kofar, Quraysh. Nous, yani, quoi qu'il arrive, un musulman, même s'il a des marassis, même s'il a des zonobes, même s'il a des kaba'ir, tant qu'il n'a pas atteint le shirk ou le kufr, il est mieux que la majorité des kofars, sans exception. Il a ce qu'il a comme marassis, tant que c'est un musulman, il est mieux que tous les kofars. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Il n'y a pas de photo entre les deux. Et yani, est-ce que ça fait partie que tu marches, fais tawaf avec de la musique dans ton portable? Regarde ta naqouf. Regarde les choses qui s'opposent. Comment ça s'oppose les choses. Tu vas accrocher la photo de Mecca. Tu vas accrocher des ayats sur le mur. Tu vas dire ça parce que j'aime le dîn. Et de l'autre côté, tu vas faire tawaf en ayant de la musique dans ton portable. C'est quoi qui est le pire? Est-ce que c'est parce que tu accroches des photos, tu crois que ça va te rajouter des haj, des hasanat? Non, là y'a rien. Tu vas faire le tawaf, tu as de la musique dans ton portable. Quraysh, il ne faisait pas de marassi devant la Kaaba, c'est à des kofars. Il faisait tawaf nu parce qu'il disait non, on ne peut pas désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas faire tawaf dans des vêtements dans lesquels on désobéit à Allah, azawajal. Yani, regarde comment ils étaient, comment ils donnaient de l'importance à la Kaaba, bien que c'est des kofars, des mouchritines. Ceux qui sont morts d'entre eux sur le kouf, min ahlin nar, l'achèque ou l'arib. Et nous, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus en droit de rater la Kaaba. On n'est plus en droit de donner son droit à la Kaaba. On est des musulmans. On est des muwahidoun. On est des gens du tawhid. On n'est plus en droit de donner son droit à la Kaaba. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يكون الله سبحانه وتعالى الذي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أي celui qui donne de l'importance et qui honore la législation d'Allah, cela fait partie de la crainte du cœur. Et celui qui respecte les interdits d'Allah, c'est mieux pour lui auprès d'Allah, dans le sens rapproché des versets. À la colline, ça c'est une nasiha par rapport au téléphone, par rapport aux photos. On dit qu'il ne faut pas se faire avoir par shaitan. Toi, tu as un doute, délaisse la chose pour laquelle tu as un doute, même si tu entends des gens te dire rien n'est c'est autorisé. Toi, tu reviens, tu délaisses le doute. Comment tu délaisses le doute? En venant à la chose où il n'y a pas de doute. J'ai un doute, la photo c'est autorisé ou c'est interdit, je ne sais pas. Je reviens au fait que c'est interdit. Comme ça, je suis mutmain, je suis tranquille. Mon dîn, il est sauvé. Et j'ai pas de péché devant Allah, azawajal. Toi, il faut que tu sois malin. Faut pas que tu sois stupide. Faut pas que t'aies dépensé de l'argent, que tu t'es fatigué, que t'as fait des tawaf, t'as fait des ibadah, et qu'en fin de compte, tu te reviens et t'as pas ce ajr. Voilà, sur ce, on a terminé de décrire la Umrah, alhamdulillah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة وأن يجعل هذا مباركا لإخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.